Nan dormi mwen deye, mwen tande kon. Mwen tande yo sonde mwen pasa dormi. Nan New York mwen deye, mwen tande kon. Son klosi la, pasan l'ekri. A 10h du matin, mwen tande kon. A 9h du soir, mwen tande kon. A 2h du matin, mwen tande kon. Son cloche là, passons les vies. La Isa, belle et caliesse. Gardez dans mon chef, fais au très poil son nez. La Isa, belle et caliesse. Gardez dans mon chef, fais au très poil son nez. Devinez, moins contrôlé. Moins ouais, c'est un bout de bois qui a frappé son carillon. Devinez. Mwen kontrole, mwen wè se yon boudwa ka frape son karyon. Say you would work out for this, so far you